C'est nous les palotins. On a des gamins lapins, mais ça n'empêche pas qu'on est à mort calé pour tuer les rentiers. C'est nous les pains, c'est nous les teints, c'est nous les palotins. En fer blanc empilé la semaine entière, c'est le dimanche seulement qu'on peut respirer le libraire. L'oreille au vent sans s'épater, on marche d'un pas assuré. Les gens qui nous voient passer nous prennent pour des militaires. C'est nous les palotins, c'est nous les palotins. On a des gueules à la main, mais ça n'empêche pas qu'on est salement calé. C'est nous les pains, c'est nous les teints, c'est nous les palotins. Chaque matin, nous nous réveillons, à force de coups de pied dans le derrière. Puis il faut descendre à tâtons, tout en bouclant nos gypsières. Tout le reste du jour, à coups de marteau, on casse des gueules en mille morceaux et l'on rapporte au père Huppé l'argent des gens qu'on a tués. On a des gueules lapins, mais ça n'empêche pas qu'on est salement calé pour tuer les rentiers. C'est nous les pains, c'est nous les teints, c'est nous les palotins. Dans un grotesque accoutrement, nous parcourons la ville entière afin de casser la gueule aux gens qui n'ont pas le bonheur de nous plaire. Nous boulotons par une charnière, nous pissons par un robinet et nous respirons l'atmosphère au moyen d'un tube recourbé. C'est nous les palotins, c'est nous les palotins. On a des gueules lapins, mais ça n'empêche pas qu'on est salement calé pour tuer les rentiers. C'est nous les pains, c'est nous les teints, c'est nous les palotins.